Ina, Pogne, Les chiens t'ont serre, ton image sert, te dénigrer ou te mettre hors service. Tu tapes sur du carbone, donc les poils tu hisses. Ils sont vicieux, te visent avec les yeux. Te jettent des bâtons dans les roues. Te cherchent des poux afin que tu te jettes sous la proue. Roule ton image dans la boue. Ce sont souvent les proches qui t'enfuiront. Devant te diront, mais au fond te mentiront. T'as pas assez de soucis pour te soucier de rien. Rem sa faïni, kralini, raïdik. Il y a des signaux sensibles comme quand la réussite cible. Ça gratte à la porte, je compte pas leur offrir. Sur palier, je les laisserai pourrir. Je leur jetterai les miettes, ils n'ont jamais cru en moi ces fiottes. Ils devraient arrêter de geindre et craindre de l'eau qui dort. Les jaloux, les jaloux. Des petits jeunes fiers, toi tu continues à me traiter, maltraiter. J'ai parlé de ta mal aimée. T'es frustré, le bras ton ventre illustré, illustré. Du plus on en est tout près. Des petits jeunes fiers, toi tu continues à me traiter, maltraiter. J'ai parlé de ta mal aimée. T'es frustré, le bras ton ventre illustré, illustré. Du plus on en est tout près. La rage, un plat froid, l'hypocrisie, je la broie à droit. Tout seul comme à trois, dès tout petit net, on arrache tous ces petits guettes solitaires, mec. Tu verras tout des si bêtes. Mais bon, je m'en branle, aujourd'hui 23 balais. Le rap m'allait pas, j'en râle pas, c'est balais. Pour ces baisses morts, qu'on y mette toutes nos réserves. J'écris, puis je plane, puis du chétage, je me préserve. Je suis heurté, voilà pourquoi je me sens vert. J'ai ma fierté, mon père m'a dit du temps sert. J'ai bouleversé, la donne a dû changer de temps. J'écris tout le temps, je monte à me date quand j'ai le temps. J'évite ces regards, puis par la même occasion. T'occupe pas du reste, que de la haine, quoi que nous fassions. Tu m'as scruté. Ton rôle va servir cet hiver, invisible tu l'es, puis dans nos mots tu t'y perds. Les petits jeunes fiers, toi tu t'obstines à me traiter, maltraiter, j'ai parlé ta mal aimé. T'es frustré, le bâton contre l'illustré, illustré, du but on en est tout près. Les petits jeunes fiers, toi tu t'obstines à me traiter, maltraiter, j'ai parlé ta mal aimé. T'es frustré, le bâton contre l'illustré, illustré, du but on en est tout près. J'allume la mèche, les langues de bouja moche. C'est des oukas à l'approche, gilles à la prod. Les mauvais oeils bloquent devant ma porte. Je sais pas ce que ça leur rapporte. Fais pas oublier comme un rat mort. J'amorce ma bombe, partons aussi vite qu'un raptor. Ma vie n'a pas de charme, j'écrase ton crâne. Tu t'acharnes, décharge mes rimes. Parle, parle, c'est de la foule que je crache. Fou, je m'en tape de tout soutien, j'ai pas de ins. Tu t'endors en écoutant mes onges. Fais pas sable mécontent. Tu parles trop, à quoi je te dois quelque chose. Le rap, c'est pas un talk show. Torchon, avec tes textes je me torche. Je vais te crier, tu vas me dire pourquoi tu me traites de la sorte. M'aider, t'as des couilles au cul, mais c'est pas les tiennes. Ici c'est Gaza, notre rage est pas les siennes. Petit jeune fier, toi tu t'obstines à me traiter, maltraiter. J'ai parlé de ta mal aimé. T'es frustré, le bâton pour t'illustrer. Illustré, du but on en est tout près. Petit jeune fier, toi tu t'obstines à me traiter, maltraiter. J'ai parlé de ta mal aimé. T'es frustré, le bâton pour t'illustrer. Illustré, du but on en est tout près. Vous savez que montrer la main ouverte, doigt tendu, en prononçant la formule magique 5 dans tes yeux, c'est le meilleur bouclier contre le mauvais œil qu'on vous jette. Chez nous, en général, le diable se cache dans les corps de nos amis, nos cousins et nos voisins. Par l'intermédiaire de leur voix, le diable, pour mieux vous tromper, vous dit toujours le contraire de ce qu'il veut vous souhaiter. Par exemple, quand quelqu'un dit à quelqu'un d'autre « Que Dieu te donne longue vie, mon frère », le vrai message, c'est qu'Allah te désintègre, désintègre, désintègre.